Aguien toi jambrié, non je sois ta bicyclette, t'es gagné pour faire de l'île à promener. Mon divan qui t'a vanté, les étoiles levées dans le ciel, la cigale qui t'a chanté, pêcheur du soir. Souris qui fait tuit-tuit, bien loin d'un mignon tambour qui t'a frappé. Dans tout de ta contemplée, ça gagne dans la nature. Ça c'est la vie de pigeon, c'est vrai baissé. Mais faut qu'on t'aille, enfin qu'on t'a cajoué. Tout à gagne qui gagne, le roi n'a promenade. Mais faut qu'on t'aille, enfin qu'on t'a cajoué. Tout à gagne qui gagne, le roi n'a promenade. Fuck, no time.